Bonjour, bonjour à toutes, à tous, marins du monde, embarqués, cargo culte, esselés, mélomanes enfiévrés. Bienvenue à bord et bienvenue pour ce disque du jour, Young Marble Giants, Colossal Youth, 1980. Quel plaisir d'évoquer ce disque. Un disque qui traverse les ans, qui traverse les âges, 1980, 1990, 2000, 2010, 2060. Ce disque est éternel. Et là, pour le peu, on est sur un disque culte qui est devenu un classique, de facto d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un disque comme celui-là, justement, devienne un classique. C'est un tout petit disque. C'est d'une simplicité désarmante. C'est complètement candide, mais du coup, ça touche au sublime. Et finalement, ça dépasse à peu près toutes les catégories qu'on aurait bien voulu coller au truc. Et spécialement en 1980. C'est Young Marble Giants. Album magnifique, album énorme, album colossal. C'est bien dit dans le titre. Colossal Youth en 1980. Young Marble Giants, c'est un trio. Et la pochette, d'emblée, nous renseigne exactement sur ce qu'ils sont. C'est toujours bien, et j'insiste souvent sur l'exploration première que consiste à prendre une pochette dans les mains, la regarder, éventuellement la décoder, la lire, la retourner. Et pour le peu, celle de Young Marble Giants pour Colossal Youth, elle est évidente. C'est un clair-obscur extrêmement marqué. On y voit les trois visages, buste, visage des protagonistes de l'affaire, tels trois statues, complètement figées. Et effectivement, il y a quelque chose qui tient de l'école d'art chez les Young Marble Giants. C'est pas une nouveauté que les meilleurs groupes de pop, alors spécialement ceux qui vont embrayer les années New Wave, années qu'on appellera volontiers post-punk par la suite, et pour le peu, Young Marble Giants, on sera un espèce de parangon, mais tout aussi volontaire qu'involontaire. C'est souvent là qu'on tirait les meilleures moutures pop et un peu aventureuses. Donc ces trois jeunes gens, ils tirent leur nom d'un bouquin sur l'architecture classique, un bouquin qui parlait finalement de l'architecture de l'Antiquité. Dans le livre, il est clairement parlé de jeunes géants de marbre qui saluent de la main le marin alors qu'il entre dans la dernière ligne droite vers Athènes. Vous voyez, on est en plein dedans. Et cet exergue, en fait, c'est une citation qui sera mise en exergue dans un maxi du groupe qui va sortir un petit peu après. Alors, puisqu'on parle de la discographie du groupe, allons-y, c'est extrêmement rapide, c'est un album. Point. Un one and only absolument magique, absolument magnifique. C'est le disque dont on va parler aujourd'hui, Colossal Youth. Alors, cet album va être suivi par deux maxi, deux EP. Il y aura aussi une jeune pile session qui va embrayer le pas, et certes qui existe aussi en tant qu'album, enfin bon, c'est plutôt un side project qu'un vrai album. Et le groupe, autant qu'on le sache tout de suite, il a une vie totalement éphémère. Qui sont ces jeunes gens? Parce qu'effectivement, la personnalité du groupe va faire le groupe, et c'est aussi cette personnalité qui va le défaire. Eh bien, dans ce trio, je rappelle, un trio, on est dans une formule mais la plus épurée que vous puissiez imaginer, deux frères et une femme. La femme, elle est au chant. Les deux frères sont respectivement à l'orgue électrique, à la guitare, tandis que l'autre frangin, le jeune frangin, lui tient la basse. Les frères Moxham, ils viennent de Cardiff, donc Cardiff, Pays de Galles. Stuart Moxham, c'est lui qui tient la guitare, c'est lui qui tient l'orgue, et c'est lui qui tient le groupe, autant le dire, et il signe à peu près les trois quarts des compositions. C'est le musicien le plus expérimenté, c'est l'aîné aussi. Le cadet Philippe Moxham est en symbiose totale avec son frère. C'est deux frangins qui font de la musique depuis toujours ensemble. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est plus qu'une fratrie pour le peu. Parce que d'ailleurs, l'un et l'autre viennent d'une fratrie de quatre gars. Mais c'est ces deux frères-là qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, surtout quand il s'agit de parler musique. Donc Philippe Moxham, lui, tient la basse. Et vous allez voir que dans ce disque, la basse, elle est omniprésente, elle est très marquée. C'est le seul élément rythmique, finalement, enfin, de l'affaire. Parce que oui, autant vous dire, ce qui manque, il n'y a pas de batterie, par exemple. Voilà. un groupe de pop, de rock sans batterie, surtout dans les années post-punk, waouh. Ah, une petite boîte à rythme, on en parlera après, et puis vous voyez, c'est du sommaire. Et puis, bah, la chanteuse, Alison Staton, et qui, elle, de manière volontaire ou pas, va être la lumière du groupe. C'est elle qui va le représenter d'une certaine manière. Mais alors, c'est une chanteuse accidentelle. Et ça, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, c'est là qu'on fait les meilleures chanteuses, c'est là qu'on fait les plus émouvantes. C'est quelqu'un qui susurre, c'est quelqu'un qui psalmodique, comme ça, des phrases, hein, sans... tout en retenue, hein. Il s'agit pas du tout de faire la chanteuse, on n'est pas dans le jazz. Hein. Et comme ça, poser cette mélopée vocale sur... des thèmes absolument imparables, sur des pop-songs parfaitement calibrés. Et pourquoi parfaitement calibrés ? Parce que réduit finalement à l'essentiel, réduit à quelque chose de quasiment squelettique. Si vous cherchez un petit peu sur le net aujourd'hui, Young Marble Giants, on vous met l'étiquette post-punk dessus. Alors, comme on met l'étiquette post-punk, c'est finalement sur tout groupe qui va s'exprimer après le punk, par définition. C'est sûrement Simon Reynolds, d'ailleurs, hein, qui a fait un bouquin remarquable là-dessus, Repeat Up and Start Again, et qui a presque officialisé cette expression post-punk. Croyez-moi, comme 1980, le mot post-punk, bah, il n'existe pas. Le concept existe de fait. On parle de New Wave, on parle de Cold Wave, et puis pas beaucoup plus de choses que ça. Young Marble Giants se situe effectivement dans quelque chose. Alors certes, appelons-le du post-punk, mais on peut même l'appeler un anti-punk. Un anti-punk qui va quand même partager certaines références du punk. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et vous allez voir, ça s'entend assez clairement de le disque. Alors un punk intello, un punk arty, sorti des écoles d'art, comme j'ai pu le dire auparavant. Mais dans ce punk ou pré-punk ou post-punk là, tout le monde fait plus ou moins du bruit, quoi. C'est un peu la loi du genre. Chez Young Marble Giants, pas du tout. On est dans un style où les titres sont extrêmement courts. L'album au total, 15, oui, je suis exactement. Et voilà, et le plus long fait 3 minutes. Hein. Sinon, on est entre 2 et 3 minutes, on est dans les formats pop-song archi-classiques. Et sur ces titres très très courts, avec des arrangements complètement squelettiques, se pose... J'ai même envie de dire s'impose, même si c'est toujours avec une légèreté remarquable, une rythmique très basique qui est reléguée par une boîte à rythme sommaire. Je le redis, c'est très simple, c'est désarmant et on est dans une forme de candide qui touche à la perfection minimaliste. Mais du coup, chacun, et pas seulement Alison Staton, vont pouvoir s'exprimer avec une présence incroyable. Alison Staton, c'est donc la chanteuse, mais c'est un chant complètement froid, sans fioritures, totalement fragile et presque fantomatique. Il est même intéressant de remarquer que c'est une voix presque androgyne, absente et très incarnée à la fois. Les lignes de basse du petit frère de Philippe, elles sont toujours présentes, sont toujours vachement là, elles sont marquées. Tout ça est attaqué avec des médiateurs comme ça qui clinquent un petit peu et c'est encore plus vrai sur la guitare rythmique. La guitare rythmique, parce que vous n'attendez pas à entendre des solos là-dessus. Hein. La guitare, elle est forcément rythmique et elle est forcément simplissime. La guitare de Stuart Moxham, alors là, je fais des recherches, c'est très intéressant d'aller... parce qu'évidemment, en 1980, je ne savais pas ça. On les voyait pas, leurs instruments. Mais la guitare, c'est en l'occurrence une Rickenbacker, une marque quand même, modèle précis, Rickenbacker 425. Une guitare qui doit sortir vraiment à l'aube des années 60. Et c'est surtout une guitare qui visuellement va se faire connaître pour deux raisons. La première, c'est déjà son look. C'est une guitare avec un gros cul, pardon de l'expression, mais elle est très large. Elle a une casse comme ça, vachement large. Une guitare solid body. Et puis, c'est la guitare que va adopter principalement George Harrison. George Harrison des Beatles, dois-je le rappeler. Et du coup, elle devient très iconique, hein, cette guitare, avec justement ce fameux corps large. Et le plus souvent, dans ce modèle 425, un seul micro, un seul, près du chevalet. Techniquement, ça veut dire que c'est un micro aigu, c'est un micro assez cinglant, là où celui qui va être près du manche, en général, délivre plus de grave, pour des raisons évidentes, évidemment. C'est avec cet instrumentarium-là, et c'est avec cette particularité de timbre-là, que Stuart Coxham va jouer. Et non seulement il va en jouer, mais il va exagérer le truc. Il joue avec un médiatum, qui est un médiator, qui est donc un plectre, qui est vraiment acéré. On entend totalement ces attaques de guitare, alors que l'ensemble reste assez léger. Et derrière ça, y a l'orgue, lui, qui tient un petit peu tout ça, avec une élasticité assez remarquable. Pas question de parler de drone, mais enfin, vous allez voir, c'est des notes assez longues, assez tenues, c'est des accords comme ça, très très chauds, ultra sommaires, sur un orgue qui est lui-même sommaire. C'est un orgue italien de la marque Galanti. Et cherchez pas Galanti dans les marques super renommées, c'est pas Thunder Road, quoi. Voilà. Et derrière, c'est pas du tout... Enfin, ça se remarque immédiatement, j'ai dit qu'il n'y avait pas de batterie, ouais, certes, mais il y a une boîte à rythme. Une boîte à rythme Omed, et par, pour le peu, un quatrième membre, quoi, dont on ne parle jamais, mais qui, pour le peu, a été réhabilité dans les notes de pochette que consacre à la réédition qu'a fait Domino du disque, hein, la réédition doit tomber au début des années 2000, et Simon Reynolds, journaliste bien connu, on l'a évoqué plusieurs fois ici, se font un texte comme ça, assez long. Et justement, on parle beaucoup de cette story et des petites histoires derrière la grande histoire, pas forcément connue, de Young Marble Giants. Et le quatrième gars, alors là, c'est un cousin. C'est vous dire, c'est une histoire de famille, le truc, quand même. Hein. Deux gars qui sont frangins. Le cousin, qui est un type assez doué, qui joue de la bidouille. Simon Reynolds en parle en ces termes-là. C'est un non-musicien qui a joué un rôle technique essentiel. Il était ingénieur en téléphonie, et puis très doué pour bidouiller des gadgets électroniques. C'était son passe-temps. Joyce a donc construit une boîte à rythme à partir d'un schéma qu'il avait piqué dans Practical Wireless. De bouquins et de revues techniques qui étaient en vogue auprès de ce public-là à l'époque. Et il leur a également fait un ring modulateur, donc un modulateur en anneau. Enfin, personne dit modulateur en anneau, hein, c'est ring modulateur. Assez particulier. Et là, ça vaut le coup de détailler. Et là, c'est Stuart qui parle, Stuart Moxon, qui dit qu'il y avait deux entrées et une sortie. Donc, si vous mettiez deux choses en sortie, ça les mélangeait, c'est ce que dit Stuart. Et il ajoute, c'était comme un échantillonneur précoce, finalement. Et on sent bien qu'il est capable de convertir des sons d'orgue, du coup, en impulsion rythmique. Si vous allez mettre dans une entrée l'orgue, et puis de l'autre côté, la pulsation rythmique de la boîte à rythme. Voilà qui est intéressant. Et qui, du coup, voilà, en ayant ça en tête, vous allez tout à fait entendre et pouvoir construire et déconstruire le jeu de Young Marble Giants. Parce que c'est un disque pré-électronique, mais qui est très lo-fi, en fait. Le concept de lo-fi ne se dit pas à l'époque, mais il est de fait lo-fi. Et pourtant, il est très, très aventureux. Précision aussi sur l'aspect familial de ce groupe. Deux frères, un cousin, mais aussi une femme au milieu. Donc, une histoire d'amour. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Quand le grand frère demande au petit frère de le rejoindre pour une aventure musicale, le petit frère dit « Oui, mais je vais venir avec ma copine. » Voilà. Puisque tous les deux sortent déjà ensemble. Et puis Alistair Staton s'est déjà un petit peu engagé à chanter, mais sans... Comme je vous le disais, elle n'est pas chanteuse, quoi. Le grand frère... Il dit oui, mais un petit peu du bout des lèvres. Comme il sent que son petit frère est de toute façon totalement amouroché d'Alison, il n'est pas question de les séparer. Donc, OK, bon an, mal an, on fait le groupe. Et le groupe se lance en 1979. Et marche pas, ça va très, très, très vite, il va se passer quelque chose. En 79, il laisse une trace sur une cassette de compil, quoi, en fait, avec quelques groupes de Cardiff. Elle ne fait pas plus éclat que ça, d'ailleurs. Le groupe, comme je vous le disais, il est 179. En 1978, le groupe se forme. Mais ils vont un petit peu bouger à Londres. Et puis, ma foi, il va se passer la bonne rencontre. À Londres, il va très, très vite rencontrer les boss, les gens de Rough Trade. Rough Trade Record. Rough Trade Boutique aussi. L'histoire de Rough Trade, elle est assez connue, mais c'est d'abord une boutique qui a pilier sur rue dans le quartier de Soho, à Londres. Non, c'est pas Soho d'ailleurs, je me trompe, c'est un petit peu plus après. Là, vous n'allez pas m'embêter pour la carte de Londres. Et vite, hein, la maison de disques va devenir un label. Donc, le disque va prendre forme assez vite. Il va quand même avoir les moyens d'une production suffisante. Ça va s'enregistrer sur 4 jours. Pas vraiment d'un trait, mais enfin avec une facilité absolument remarquable. Et son contenu, bah, vous allez le voir, est truché de... des petites références doucereuses, souvent des aventures personnelles. C'est Stuart hein, qui fait l'essentiel des compos, je le disais. Et ça parle pas mal de désamour, finalement. C'est souvent mélancolique. C'est cette new wave, elle est plutôt cold wave que super exaltée, on le sait bien. Mais il y a aussi des références assez superbes à l'instrument, au matériel, à l'électronique. Je pense à un morceau qui s'appelle « The Man Amplifier ». Et plus encore, et c'est un des morceaux cultes de cet album, à Wurlitzer Jukebox. Bien sûr, le jukebox Wurlitzer, la marque Wurlitzer. Donc il y a dans ce disque et en constant filigrane une mise en abîme comme ça de l'outil, de la musique elle-même. En plus de cette lecture, je dirais un peu premier degré, de petits désamours qui marchent ou qui ne marchent pas. C'est aussi un disque, et c'est Stuart qui s'en expliquera après, avec énormément d'ironie, avec des jeux de non-sens. Il y a quelque chose de dadaïste, finalement. Un dadaïsme ultra léger, mais finalement ultra bien campé par ces trois personnages que sont Young Marble Giants. Chochiloni, un titre qui ne veut absolument rien dire, mais qui est aussi un des morceaux assez forts de ce disque. On l'entendra plutôt aux deux tiers de cette aventure-là. Voilà. Colossal youth. Diable qu'elle était forte, diable qu'elle était colossale, cette jeunesse. Parce que oui, je leur dis en exergue, avant qu'on soit vraiment dans l'écoute maintenant prolongée en tiers de ce disque, et je développerai ça plus en deuxième partie quand on sortira de cette écoute-là, le disque durera pas. Le disque a splitté. C'était finalement la chronique d'une mort annoncée, cet album-là. Mais alors, attention, quel épitaphe. Bonne écoute de Colossal Youth 1980, on se retrouve dans 40 minutes. Searching for Mr. Right, waiting up half the night, feeling like I'll be dead before I'm old. Teaching myself to be the young and tall. How can I hope to be someone for you to see? Blind as the fate decrees, I will go on teaching myself to be the young and tall. Lose you against the light. Possessions out one by one. Include your lovers, include the one you threw away in 1963. Include me out, don't label me. Whoa, whoa, whoa, whoa. As the people are running, the higher starts to fall where she neatly wipes her lips. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gore reviews how the editors agree. Putting on her makeup, she glances at the clock. Next, she paints her nails. The train has collided, the driver didn't stop, but she slips into the scales. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gore reviews how the editors agree. Looking for a cocky, she finds him in a shoe, lift the magazine from the floor. That long ago mystery has revealed another clue. She quickly shuts the door. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. and the cameras wink on the gory views that the editors agree. Yeah, Mac, I could just pull over now, and it looks like it's gonna be an all-night job tonight, you know. If you could send a few cars over, it would sure help a lot. And I should sit more in front of the TV tonight, cause the line should like what she could see. I'll start making a few inquiries already. Okay, that's all for now. Thank you. Thank you. everything but desire. He's a robot when he should. Never tires, ever good, and we're singing. Always near, like a shadow, never fear while we're singing. Like a tower in the dark, he can leave you feeling. While his fingers fall away, love is climbing in his heart, so we're singing. Take a towel to his brow, soothe the features of the proud, lubricate the inner man, exercise him when you can and be singing. Chalky Lonely Rose. C'est fini. Quelle fin ? Quelle fin et quel début ? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le premier titre, tout comme le dernier, sont un peu les plus sibyllins de l'album. Probablement parce que Alison est clairement en retrait, la chanteuse. Ces deux titres, donc le premier et le dernier, commencent par un fading. Introduire un album par un fading, c'est... J'ai envie de dire, ça se fait pas. Commencer le disque par un silence, c'est merveilleux. Et le silence, c'est le quatrième membre de ce groupe, finalement. Et cet équilibre, finalement, absolument parfait. Hein. J'insiste là-dessus. Merci de vos commentaires. Je lis rapidement en chat. Voilà, il y en a pour qui c'était une découverte formidable. Vous allez voir, les titres, ça vous reste. Ces titres-là vous restent. C'est quand même, on est dans un songwriting quasi parfait. Certes, il y a ce son jamais entendu, mais tout ça est au service de mélodies qui sont complètement imparables. Et sur les 15 titres qu'on a entendus là, je peux vous dire qu'il y en a plus de la moitié qu'ont eu un airplay complètement incroyable sur toutes les radios indées en Angleterre à ce moment-là. Le groupe a fait un buzz immédiat. C'est presque contradictoire, cette facture ultra minimaliste et low-tech qui finalement va rencontrer de facto le succès. Alors Geoff Davis, c'est le boss de Rough Trade, du label d'ailleurs comme de la boutique. Il est très pote avec Stewart, ça c'est une chose, mais il a vraiment fleuré le coup. Et quand le groupe a commencé à marcher, toutes les unes du NME, le fameux New Musical Express, le Melody Maker qui existait encore à ce moment-là, enfin ces journaux faisaient la pluie et le beau temps hein, sur finalement la culture pop, et spécialement un des pop de l'époque. Mais en même temps, ils étaient capables de fabriquer des stars. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Young Marble Giants. Or, Young Marble Giants, ils ne sont pas du tout taillés pour ce truc-là. Et sur quoi, finalement, le groupe a fait... les médias ont polarisé l'attention. C'est évidemment sur la chanteuse. La chanteuse. Alison elle-même. Et Stuart Moxham, crise d'ego ou pas, voyait pas forcément d'un œil super courtois le fait que finalement, à peu près tout le boulot qu'il ait fait pour le groupe, puisque je rappelle, c'est lui qui produit le disque, finalement, quand bien même il est associé à l'ingénieur du son sur cette affaire-là, mais enfin, on est sur un truc d'un format extrêmement petit, extrêmement familial. Le 80% du songwriting est de son fait, c'est lui aussi qui joue la plupart des instruments, excepté donc le petit frère Phil à la basse ô combien importante, et bien sûr Alison à la voix. Mais les médias, qu'on s'appelle le New Musical Express ou Paris Match, ça fait attention à la personne, et là, en l'occurrence, la chanteuse Alison. Et c'est amusant que le groupe ne va pas du tout survivre à ça. Bon, ajoutez à ça aussi qu'Alison et Phil, qui sont donc un couple au début du disque, ne le sont plus à la fin. Donc forcément, il y a en plus une histoire d'amour qui capote, donc ça n'arrange pas le truc. Mais le problème numéro un, c'est probablement finalement cette rupture consommée, non pas dans le couple, mais entre la chanteuse et puis le leader du groupe, en tout cas celui qui tient. Voilà, donc confrontation radicale entre la leaduse et l'homme fort, l'homme de main. Ça va loin. Il y a une interview dans le NME où Stuart dit dès le lendemain de l'apparition du disque, parce que... Alison est nommée dans les meilleures chanteuses de l'année par le NME. Et Stuart s'énerve, il fait « Mais Alison, c'est pas une chanteuse. C'est quelqu'un qui chante, mais c'est pas une chanteuse. » Il ajoute même « Alison, elle chante comme si elle était à l'arrêt de bus ou quelque chose du genre. » Sympa. Précisant que voilà, un chanteur, bah, ça chante avec plus de contrôle. Ben oui, mais justement... Cette faculté de chanter comme ça, instinctivement, comme si on se grattait le nez, comme si on était à l'arrêt de bus, et justement sans contrôle, et faire ça, c'est absolument sublime. Donc effectivement, ça fait capoter ça fait capoter l'aventure. C'est triste à dire, quelque part, parce que tout était magistralement balancé, orchestré, équilibré, finalement, dans ce groupe-là. Mais c'est un équilibre finalement forcément précaire. Donc l'aventure s'arrête plutôt tôt. Hein. Il y a une pile session qui s'embarque. Il y a deux maxis qui sortent après. Mais enfin, en 81, le groupe n'existe déjà plus. Et en 82, chacun part plus ou moins dans ses aventures. Et aucune ne sera vraiment marquante, sauf peut-être quand même celle d'Alison. Mais Stuart Moxham va aussi créer un groupe. Alors, je vais peut-être commencer par évoquer Stuart Moxham, parce que c'est quand même un band leader, c'est quand même un gars qui construit les projets. Et il va commencer un groupe, mais j'ai envie de dire, il ne va pas le finir, qui s'appelle The Gist. The Gist. C'est un groupe... pour le peu, ce n'est pas un groupe soudé. C'est un groupe théorique. Ce n'est pas vraiment un groupe réel. Et alors, pourquoi théorique ? Parce que The Gist et Stuart Moxham pour The Gist va s'encadrer de pas mal de gens, notamment rencontrés dans l'entourage de Rough Trade. Les membres de This Heat, quand même. Les 12 Maps, qui sont assez essentiels à l'époque. Je ne sais plus qui d'autre les rejoint. Je crois même que le pop groupe traîne là. Enfin, bref, plein de trucs vraiment bien, quoi. Tous des gens qu'on réévoquera dans Cargo Cult, je vous promets. Vivian Goldman aussi. Et de son côté, la chanteuse, celle qui attend le bus, suivez mon regard, Alison, elle, va créer un groupe qui, à mon avis, est plus intéressant, qui s'appelle Weekend. Un groupe ultra éphémère aussi. Weekend va faire pareil, un seul album qui s'appelle La Variété. Comme en français. Et de fait, c'est un disque qui fait un hommage justement à cette variété et qui va, avec une petite longueur d'avance en fait, initier cette mode plutôt jazz cool, un petit peu laid back, variété aussi, qui va baigner l'atmosphère anglaise dès 84-85, notamment à travers, genre, je pense à Shade, par exemple, la chanteuse Shade, rappelez-vous, sublime et très iconographique chanteuse, mais qui susurrait comme ça. Alors, évidemment, elle a franchi les parades allègrement. Le groupe Walking Wicks, qui n'avait pas peur de mettre du jazz comme ça dans des arrangements un petit peu festifs. Et justement, Weekend va en fait donner les deux membres fondateurs de Weekend avec. Avec Ellison, vont eux être à la base des Walking Wicks par la suite. Donc voilà, il y a une scission, puis après il y a un camp à prendre, le camp de la femme ou le camp du gars. J'ai un peu pris celui de la femme, voilà, mais bon, on a un petit peu de temps. Je nous offre en guise de revoir, je reviendrai peut-être même sur un ou deux titres un petit peu forts du groupe comme ça, juste pour se faire plaisir, parce que finalement on a pas mal de. Le disque est très court aujourd'hui, pour une fois, Cargo Cult est en avance, disons. Bien pour une fois. On va faire un ping-pong comme ça en écoutant d'une part Weekend, donc le groupe d'Alison, et d'autre part The Gist, qui lui, et puis son petit tube, parce qu'il y a eu un airplay qui avait été joué, qui a marché un petit peu partout sur les radios indé européennes, The Gist avec leur Love at First Sight, lui mené donc par Stuart. Allez, deux en un, puis voilà, vous pouvez faire votre choix, de me dire celui que vous préférez. Moi, c'est le premier, hein. C'est le côté un petit peu... C'est presque un peu pina colada, mais c'est vachement bien. Thank you. The Gist, donc cette deuxième incarnation post-Young Marble Giants par Stuart Coxon qui atteint pas la grâce, la légèreté, cette espèce de truc qu'ils ont même pas voulu faire, quoi, Young Marble Giants qui tombe comme ça. Love at First Sight, ça ouvrait l'album de The Gist. Ça sonne un petit peu comme du Étienne Dao quand même. Le pire, c'est que c'est un morceau qui a été repris par Étienne Dao sous le nom Paris le Flore, Café le Flore, pas très très longtemps après. Voilà, voilà. Donc oui, j'insiste, je me mets du côté de la femme et Weekend qu'on a entendu juste avant, avec ce titre totalement chantant, volontiers commercial, est absolument excellent. Encore un parfait songwriting, quand bien même. C'est pas sur l'essentiel de l'album de Young Marble Giant. Elle est assez peu à l'œuvre, elle n'écrit pas. Très peu, en tout cas. Voilà. Il y a, pour comble de malchance, parce que je vous ai dit qu'une fois que le disque sort et puis qu'on veut starifier Allison, le torchon brûle dans le groupe. Geoff Davis, lui, qui reste le copain du groupe dans son ensemble, mais qui est spécialement proche quand même de Stuart, parce que dès le début, ils ont fait confiance. Donc, Geoff Davis, c'est le bof de Rough Trade. Il va quand même immédiatement réunir dans une compilation les Young Marble Giants, The Gist, qu'on vient d'écouter, le groupe de Stuart, et Weekend, le groupe d'Allison. La compile s'appelle Nipped in the Bud. Voilà, c'est un best-of. Et pourquoi pas, ça marche bien. Mais c'est paradoxalement, réunir trois groupes qui finalement, certes, sont issus du même giron, mais qui, en même temps, le fait même qu'ils existent, montre qu'il y a eu une dissonance claire dans les carrières de chacun, n'a pas plu encore à Stuart, qui a un peu fait la gueule. Donc voilà, le groupe, n'est pas resté aux oubliettes. Il a continué à séduire des générations et des générations et des générations. Good news quand même, c'est que on a le droit à une reformation. Alors ok, c'est les reformations des années 2010, c'est des reformations assez opportunistes, on va pas mentir. Mais enfin, dans les années 2010, au milieu des années 2010, il y a une reformation. Le concert a été passé, je crois que c'est la première, avait été au festival Mimi sur l'île du Frioul à Marseille. Voilà, et c'était passé par le festival Magimix. À Paris, enfin, à l'ouest de Paris. Bon, j'ai vu aucun de ces concerts, mais j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont dit que l'émotion était parfaite. Ils ont rejoué le disque in extenso, dans l'ordre, Voilà. Et finalement, il n'y avait probablement rien de plus à faire que ça, quoi. Et ainsi, quand même, donner une jolie, je ne sais pas, une belle image de fin à cette histoire familiale. Parce que finalement, il faut insister là-dessus. C'est sur le caractère assez familial de ce disque, quoi. C'est amusant parce que ça m'a soufflé l'idée de parler la semaine prochaine. L'idée m'est venue là pendant l'émission. On va te parler d'un groupe alter ego de celui-là, mais qui sera un alter ego renversé. C'est-à-dire là aussi un groupe familial, là aussi un groupe qui tient sur une espèce d'équilibre minimaliste miraculeux. Et en même temps, on est dans un camp qui est totalement à l'inverse de celui qu'on écoutait là. En l'occurrence, ce sera l'album ISJ, le premier disque et les débuts de ISJ, ESG. Voilà, campé par des sœurs et un cousin. Et derrière, la production totalement magique de Martine Annette. Ouais, j'en dis pas plus. Mais je crois que l'idée est bonne et vous serez là la semaine prochaine. Je me fais un plaisir de vous préparer ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Mais du coup, on part avec un petit best-of. Quoi. Ça, allez hop, 4-5 chansons de Young Bubble Jeans pour la route. Et croyez-moi, vous n'allez pas les oublier. Bonne semaine à tous. À bientôt. Chunky Lone.